Chapitre 14e, Sir Johann Astley. Pendant que le marquis de Kerdal s'en retournait à son château du Morbihan, Paris se préoccupait fort de l'arrivée de deux personnages qui, à des titres différents, étaient dignes de figurer dans les racontars des reporters des grands et des petits journaux. L'un était le docteur Cavarox, qui, 2 ans auparavant, quittait sa clientèle parisienne pour s'en aller visiter les contrées sauvages du Nouveau Monde, dont le but d'y découvrir le secret de guérir les affections mentales. Le second arrivait du fond du Texas, sur un de ces grands steamers qui font le service entre la France et les États-Unis de l'Amérique du Nord. Il apportait avec lui 7 grandes caisses remplies de lingots d'or. Chaque caisse représentait la valeur d'un million. Avant de descendre au grand hôtel, où il devait provisoirement établir sa résidence, il s'était rendu à la Banque de France, qui, après avoir pesé ses lingots, lui avait donné un reçu de 7 millions. Toutefois, ce n'était point l'immense fortune de cet étranger qui attirait sur lui l'attention publique. Paris est habitué depuis longtemps à voir l'asphalte de ses boulevards foulés par ses riches nababs qui, pendant une saison, s'en viennent chez lui semer leur or et leurs pierres précieuses. Le chat de Perse, qui, tout récemment, étincelait comme un phare de diamants sur les hauteurs du Trocadéro, l'a blasé sur les soleils indiens. Ce qui avait attiré la curiosité des désœuvrés, c'était la personne elle-même de cet étranger. Il se nommait Sir Johann Astley. C'était du moins sous ce nom qu'il s'était fait inscrire sous le registre du Grand Hôtel. Il parlait l'anglais et le français de la manière la plus correcte, et il soutenait une conversation en langue espagnole avec autant de brio que s'il fût né sur les bords du Guadalquivir. Il pouvait avoir 24 ou 25 ans, et l'ensemble de ses traits était d'une pureté et d'une beauté de ligne des plus remarquables. Cependant, il eût été difficile de dire à quelle race d'homme il appartenait. Son visage était d'un rouge de brique et bronzé. Était-ce un indien pur sang, un anglo-indien ou un métis? Il avait de l'un et de l'autre, sans toutefois être l'un ou l'autre. Sa personne, enfin, était un mélange vraiment extraordinaire de plusieurs types, sans qu'il fût possible de préciser celui qui l'emportait sur l'autre. Sa personne, enfin, était un mélange vraiment extraordinaire de plusieurs types, sans qu'il fût possible de préciser celui qui l'emportait sur l'autre. Aussi, les opinions des badauds sur l'étrange coloration de ce personnage étaient-elles partagées? Les uns le prétendaient originaire des mystérieuses contrées du centre de l'Afrique, d'autres soutenaient que c'était un peau rouge abâtardi. Quelques-uns même affirmaient que sa couleur devait être le résultat de l'une de ces maladies bizarres qui déroutent la science. Sir Johann Astley était donc à cette heure le lion du jour. On parlait de lui dans les cercles et dans les salons, et plusieurs petites dames du quartier Bréda, qu'il avait entrevues dans une loge grillée de l'opéra, rêvaient de lui et de ses lingots. Mais l'étranger était un véritable sauvage, et à l'exception du docteur Cavarox, qu'il voyait fréquemment, et avec lequel il s'entretenait dans une langue inconnue de tous, il n'avait de relation avec personne. Quelques indiscrets s'étaient adressés au célèbre docteur dans l'espoir d'apprendre quel était le personnage singulier qui s'était installé au Grand Hôtel, mais Cavarox avait répondu à tous les questionneurs qu'il s'était rencontrés avec lui sur le paquebot américain qui les avait conduits en France et qu'il ne savait qu'une seule chose sur son compte, c'est qu'il s'appelait Sir Johann Astley et qu'il était immensément riche. Le docteur Cavarox s'était installé dans un hôtel du boulevard Malesherbes, non loin de l'ancienne résidence princière du baron Walker, et il n'a pas tardé à se signaler de nouveau par des cures merveilleuses. On parlait surtout de certaines affections du cerveau devant lesquelles toute la faculté de Paris avait échoué et qu'il avait guéri presque instantanément. Il traitait, disait-on, les cas de folie les plus graves à l'aide de poisons dont seul il possédait le secret. En moins d'un mois, il avait reconquis et dépassé sa célébrité d'autrefois. Son premier soin, à son arrivée dans la capitale, avait été de se rendre place des Vosges, mais la belle Madame Maxou et son mari se trouvaient depuis 15 jours dans leur magnifique propriété du Dauphiné, au château de Beauvoir, et il dut se contenter pour le moment de serrer les mains de Salabert, de Martineau et de l'excellente Madame Renaud, qui rivalisaient deux ailes dans leur œuvre philanthropique. Maintenant, il nous reste à faire connaître comment nous retrouvons à Paris le docteur Cavarox, que nous avons laissé au Texas, et pourquoi il était arrivé en France avec Sir Johann Astley. L'illustre savant quelques mois après s'être séparé de Pedro Diaz à la Hacienda du Rio Verde, se trouvait dans un des sites les plus sauvages de l'Amérique du Nord, au pied de la formidable chaîne de montagnes qui porte le nom de Montagne Rocheuse. C'était pendant l'hiver. Une neige épaisse couvrait le sol durci. Une rivière glacée, qui sortait d'une gorge étroite, lui barrait le chemin. Sa situation était terrible, car ses vivres étaient épuisés, et son petit cheval gris, qui n'avait vécu depuis plusieurs jours que de feuilles mortes tombées des arbres, se traînait avec peine. Que faire? Que devenir? Aller en avant, c'était impossible. Revenir sur ses pas, c'était la mort, et la plus cruelle de toutes, la mort par la faim. Découragé, désespéré, il ne savait quelle partie prendre, lorsque, en mettant pied à terre pour soulager sa monture, il aperçut sur la neige une piste toute fraîche. À cette vue inespérée, toute son énergie revint, car cette piste était une promesse de salut. Il regarda deux fois dans la crainte de s'être trompé. En effet, la plupart des animaux qui habitent pendant l'été les solitudes du Nord les abandonnent quand arrive l'hiver pour se réfugier dans le sud de l'Amérique. Ce second examen, plus complet que le premier, refroidit subitement sa joie. Les larges empreintes qu'il avait devant les yeux indiquaient clairement le voisinage d'un fauve de haute taille, et les traces de griffes encore apparentes sur le sol ne lui laissaient aucun doute sur la qualité de son voisin. C'était un ours gris, le plus redoutable des fauves de l'Amérique du Nord. « C'est un duel à mort, » pensa-t-il, « je ferai des beefsteaks avec la chair de ce gaillard-là, ou c'est lui qui déjeunera à mes dépens. » Le petit cheval gris pommelé du docteur, comme s'il était en parfaite communion d'idées avec son maître, frissonna tout à coup et renifla avec inquiétude. Le docteur suivit les empreintes des pas de son terrible ennemi et il parvint à une sorte de grotte qui dominait la rivière glacée. « C'est là qu'il a établi son domicile, » se dit-il en s'arrêtant. « Comment diable l'en déloger ?» Il réfléchit un instant, puis il ramassa des herbes mortes et des branches sèches dont il forma un fagot. Cela fait, il gravit le rocher qui surplombait la grotte, puis il attacha son fagot à une longue liane, tira de sa poche une boîte d'allumettes chimiques, en alluma une, l'approcha du fagot qui bientôt s'enflamma, et à l'aide de la liane, il descendit le fagot embrasé à l'entrée de la grotte. Le vent qui soufflait du nord envoyait aussitôt la fumée dans l'excavation. « Mon voisin ne tardera sans doute pas à abandonner son repère, » murmura Cavarox. « Apprêtons-nous à le recevoir. » Il arma sa carabine, qui était à double coup, et l'attendit. Le pauvre cheval, qui n'avait pu le suivre sur le rocher, tremblait comme une pauvre feuille, secouée par l'aquilon. Un formidable grognement sortit de la grotte. Le petit gris répondit par un hennissement. Tout à coup apparut l'énorme tête de l'ours, ensuite tout son corps, et il se dirigea rapidement vers le pauvre cheval. L'illustre savant comprit que s'il attendait une seconde, s'en serait fait de son compagnon de voyage, et se fit pour ainsi dire au jugé qu'il tira l'ours gigantesque. Celui-ci, atteint à l'oreille, fit entendre un nouveau grognement, puis au lieu de continuer sa course, il revint sur ses pas dans la direction de son agresseur. « Si je ne te tue pas, mon camarade, je suis un homme mort, » se dit Cabarox. L'ours, rendu furieux par sa blessure, marcha droit à l'homme, s'armant de ses puissantes griffes, comme de crochets, pour escalader l'amoncellement de quartiers de roches qui dominaient son repère. Le docteur, immobile, épiait l'instant favorable pour faire feu de réchef. Pendant ce temps, son terrible adversaire montait toujours. Déjà, il n'était plus qu'à une vingtaine de pas du docteur. Le docteur l'ajusta froidement et lâcha la détente. L'ours, blessé de nouveau, mais peu dangereusement, poussa une sorte de rugissement, puis il reprit sa course ascendante et, parvenu au sommet du rocher, se dressa sur ses pattes pour atteindre son ennemi. Un nuage rouge passa sur les yeux de Cavarox, et il recommanda son âme à Dieu. Alors eut lieu quelque chose d'incompréhensible. L'ours, dont les griffes meurtrières touchaient presque les vêtements du docteur, retomba lourdement en arrière et roula de rocher en rocher jusqu'au bas de la grotte. Cavarox, qui ne s'expliquait pas d'où lui était venu le salut, regarda autour de lui et, ne voyant personne, se pencha en dehors de la plateforme sur laquelle il était embusqué. « Je suis venu à propos, » lui dit une voix, et presque dans le même moment se dressa la tête d'un guerrier comanche. Ce sauveur inattendu était sans aucun doute une ancienne connaissance de l'illustre savant, car lorsqu'il fut descendu du rocher, l'Indien lui tendit amicalement la main. « Sans vous, je serais mort à présent, » dit le docteur en pressant cordialement la main qui lui était tendue. « Mais comment se fait-il que vous soyez arrivé juste à point pour me débarrasser de mon redoutable adversaire ?»« Depuis 2 jours, je suis à la piste du maître de la médecine, » répondit son sauveur. « Vous me cherchiez ?» demanda Cavarox, étonné. Le grand chef de notre tribu a reçu une balle en plein corps, dans un combat contre les Apaches. Et c'est lui qui m'a ordonné de me mettre à la recherche du guérisseur des visages pâles, qu'un de nos guerriers avait aperçu dans les environs des montagnes rocheuses. « C'est bien, » répliqua le docteur. « Mais avant de vous accompagner auprès du lynx des prairies, je ne serais pas fâché de goûter au gibier que vous venez d'abattre, car je n'ai rien mis sous ma dent depuis hier matin. À propos, comment vous êtes-vous donc pris pour le tuer ?» Le Comanche lui montra un grand couteau tout ruisselant de sang. « Je comprends maintenant, » dit le médecin des sauvages. Un feu clair fut allumé sur place, et l'Indien, après avoir dépouillé l'ours de sa fourrure, coupa 2 belles tranches du cuisseau. Lorsqu'elles furent convenablement grillées, les 2 amis les attaquèrent avec un égal appétit. Quand ils eurent satisfait amplement leur faim, tous les 2 se levèrent, et l'illustre savant prit le petit gris par la bride. « Conduisez-moi vers votre chef, » dit-il au Comanche. L'Indien étendit la main et désigna la gorge étroite qui s'ouvrait dans les montagnes rocheuses au-delà de la rivière glacée. « Comment traverserons-nous ? » demanda Cavarox. « Que mon frère ne s'inquiète pas, » répondit son compagnon. « À 100 pas d'ici, le rio est peu profond, il y a un gué. » Ainsi que le Comanche l'avait annoncé, la rivière, un peu plus loin, coulait sur un lit de gravier. Le docteur enfourcha son cheval et suivit son guide. La température qui régnait dans la gorge était moins froide que celle de la plaine, et la neige avait totalement disparu. Ceci s'expliquait par la double muraille de rochers qui l'abritait contre les vents glacés du nord. Le petit gris, tout en cheminant, se dédommageait de son long jeûne en broutant, par-ci par-là, quelques touffes encore vertes. De son côté, Cavarox s'allongeait de temps en temps la main pour prendre des échantillons d'une flore inconnue. Après 2 heures de marche, le paysage se modifia subitement. La vallée s'était élargie et l'on se trouvait dans une sorte de cirque immense. La tribu Comanche avait établi son campement en cet endroit. Des tentes en peau de bison s'élevaient sur une longue étendue de terrain. Devant ces tentes jouaient de jeunes enfants pendant que leur mère se livrait à de menus détails de ménage. Au centre de cette espèce de hameau, on voyait une tente plus grande que les autres et qui s'en trouvait séparée par un espace circulaire. « C'est ici, » dit au docteur Cavarox, l'Indien qui venait de s'arrêter. Le docteur souleva le rideau de cuir qui fermait la porte de la tente du chef, et un étrange spectacle frappa ses regards. 3 personnages se trouvaient dans la tente au moment où le docteur Cavarox entrait. Le chef Comanche était étendu sur un lit de peau de bête fauve. Sa figure amaigrie et le feu sombre de ses regards témoignaient de ses cruelles souffrances, mais aucune plainte ne s'échappait de ses lèvres. Il fit un mouvement de joie en reconnaissant le médecin, puis sa tête retomba comme épuisée par cet effort. Près de son lit se tenait un Indien à l'accoutrement bizarre, qui psalmodiait à voix basse une sorte d'invocation en se livrant à des contorsions impossibles à décrire. C'était l'homme à la médecine rouge, le sorcier de la tribu Comanche. Mais jusque-là, ces prétendus sortilèges n'avaient amené aucune amélioration dans l'état du moribond. Dans un coin de la tente, un jeune guerrier, assis sur un crâne de bison, fumait silencieusement un calumet. Cavarox, à sa vue, ne put retenir un geste de surprise. L'homme qu'il avait sous les yeux appartenait à la race blanche. Il le regarda plus attentivement, et son étonnement devint de la stupeur lorsqu'il reconnut dans ce personnage un des fils du duc de Clodion. Tout à coup lui revint en mémoire ses recherches avec Pedro Diaz sur la montagne noire, et la disparition de Don José pendant son retour à l'hacienda du Rio Verde, après avoir quitté son frère au canyon de Ripas. Plus de doute, cet homme devait être le bâtard de Clodio. Mais ce qui l'étonnait plus encore que cette rencontre si extraordinaire, c'était que José ne l'eût pas reconnu. Toutefois, il pensa que le plus pressé était de s'occuper du blessé, et il ajourna plus tard l'explication du mystère qui l'intriguait si fort. Après avoir examiné la blessure du chef indien, il sortit une sonde et un bistouri de sa trousse et se mit en devoir d'extraire la balle. Pendant tout le temps de l'opération, L'Indien demeura comme insensible à la douleur. Seulement son visage par instant pâlissait. Le sorcier avait cessé ses incantations, et il suivait d'un regard curieux et attentif l'instrument qui pénétrait dans les chairs. « Voilà qui est fait, » dit le docteur en montrant la balle. « Dans 8 jours, vous serez guéri. »« Mon frère est un grand savant, » répondit le lynx des prairies, « et j'aurai de la mémoire. » Cavarox n'avait pas dormi depuis 24 heures et il tombait de sommeil. L'esculape Comanche le conduisit à sa tente où il ne tarda pas à s'endormir. Lorsqu'il se réveilla, il regarda autour de lui. La tente dans laquelle il se trouvait était encombrée de plantes et d'herbes desséchées, d'amulettes de toutes sortes et de peaux de serpents des espèces les plus dangereuses. « C'est ici votre pharmacie ? » demanda-t-il à son confrère qui venait d'entrer. « Mon frère a vu juste, » répondit celui-ci. « Il est devant lui les secrets de la médecine rouge. » « Je ne doute pas que vous n'en possédiez de merveilleux, » répondit l'illustre savant, « mais nous causerons de cela plus tard. Je voudrais d'abord que vous me renseigniez sur ce jeune guerrier qui était assis dans la tente du chef, le visage pâle. Oui, comment se trouve-t-il ici ? Son esprit est remonté vers Bakonda. Ah, il est fou. Il a bu l'infusion de la fleur bleue. J'ai entendu parler, en effet, de cette plante qui enlève tout souvenir de la vie antérieure. La voici, » puis le Comanche, en allant prendre un sachet rempli d'une poudre grisâtre. « C'est là le poison qui fait perdre la raison ? Oui. » « Je comprends à présent, pour que Don José ne m'a pas reconnu, » pensa le docteur. « Et cette folie est-elle curable ? » dit-il après une réflexion. « Elle peut se guérir à l'aide d'un autre poison. » « Alors pourquoi n'avez-vous pas rendu la raison à ce jeune homme ? Mais il n'est pas malheureux. Il se croit un grand chef, et c'est un de nos plus braves guerriers. » « Pouvez-vous me montrer la plante qui guérit de la folie ? À une condition. Laquelle ? C'est que vous m'apprendrez à extraire les balles et que vous me donnerez les instruments dont vous vous servez. »« Diable, mon confrère !» répliqua Cabarrox en riant. « Savez-vous que vous me vendez vos secrets fort chers ? Mon frère fera un excellent marché, si, grâce à moi, il peut guérir la folie. Mais qui me prouve l'efficacité de votre remède ? La plante ne s'est jamais trompée. C'est possible. » Mais pour croire, il faut voir. Expérimenter sa vertu sur l'homme qui est ici et je croirai. Pour cela, il faudrait la permission du chef. Je me charge de l'obtenir, répondit le docteur Cavarrox. Lorsque le lendemain le docteur se rendit près du blessé, il le trouva dans un état satisfaisant. La fièvre avait disparu et la plaie avait un aspect des plus rassurants. Cavarrox aborda nettement la question et il demanda au chef indien comme récompense de la vie qu'il lui avait rendue, la liberté de son prisonnier. Il pensait que la chose marcherait toute seule, mais il n'en fut pas ainsi. Le lynx des prairies avait, on s'en souvient, promis à Carmela d'emmener l'homme fou dans sa tribu et de ne point s'en dessaisir. Il ne pouvait donc accueillir la requête qui lui était faite sans manquer à sa promesse. Or, une promesse est une chose sacrée aux yeux de ceux que nous qualifions un peu à la légère du titre de sauvage. L'illustre savant rencontra donc une vive résistance de la part du chef Comanche. Mais si ce dernier tenait à ne point faillir à une parole donnée, Cavarrox, de son côté, ne tenait pas moins à ce que celui qu'il prenait pour le bâtard de Clodion fût rendu à la raison et à la liberté. Il eut recours alors à une ruse, et tout en convenant qu'un serment devait être rigoureusement tenu, il répondit à l'Indien qu'en délivrant un prisonnier, il ne manquerait aucunement à sa promesse faite à la créole, puisqu'il s'était engagé à le garder près de lui tant qu'il resterait privé de sa raison, mais non pas s'il venait à la recouvrer. Cet argument, quelque peu sujet à controverse, eut un plein succès. Cavarrox, fort du consentement du chef, s'en alla aussitôt trouver son confrère rouge et le mit en demeure de lui prouver l'efficacité de la plante qui guérissait la folie. Si le pauvre fou rivalisait de bravoure dans les combats avec les guerriers les plus fameux, dans la vie ordinaire, il semblait privé de toute volonté. L'esculape Comanche alla le chercher, le prit par le bras et le conduisit à sa tente. Le docteur avait voulu assister à l'expérience et aux diverses préparations qui devaient la précéder. En effet, il était grandement intéressé au double point de vue de la science et de l'humanité à observer ce qui allait se passer. Rien ne lui échappa, ni la dose du poison végétal, ni son mélange avec d'autres substances. Lorsque le breuvage fut prêt, le Comanche le présenta au fou et lui fit signe de boire. Le fou prit la coupe et la vida d'un seul trait. Peu à peu, un engourdissement s'empara de ses sens, ses yeux se fermèrent, et on le coucha sur un lit couvert de peau de bison. « Dans 48 heures, il s'éveillera, avec toute sa raison, » dit le Port-Rouge à l'illustre savant, « et d'ici là, vous m'enseignerez à extraire les balles. » Cavarox répondit par un signe de tête affirmatif. Vers la fin du deuxième jour, le fou, qui jusqu'alors avait dormi d'un sommeil léthargique, donna quelques signes d'agitation. Le moment du réveil approchait. « La raison et la mémoire lui reviendront-elles en même temps ?» demanda le docteur. « Il sera juste dans l'état où il se trouvait lorsqu'on lui a fait boire l'infusion de la fleur bleue, » répondit le médecin Comanche, « et les 15 mois qui se sont écoulés depuis son enlèvement. Il ne s'en souviendra que comme l'un des rêves confus que le réveil efface. » Jean de Clodion, arrivé au dernier terme de l'état léthargique, remua les lèvres, ouvrit les yeux, se mit sur son séant et regarda d'un air étonné l'endroit où il se trouvait. « Où suis-je » dit-il. « Vous êtes, Seigneur José, au pied des montagnes rocheuses, dans un camp de guerriers Comanches, » répondit Cavarox. Le jeune duc aperçut alors Cavarox, l'examina pendant quelques instants et le reconnut. « Que signifie cela ? » reprit-il. « Hier soir, je me suis endormi au milieu de mon escorte au bas de la Roche Noire. Et vous prétendez, docteur, que je suis dans un camp Comanche, près des montagnes rocheuses, et de plus, vous m'appelez José. José, c'est mon frère. » qui m'a quitté cette nuit pour s'en retourner à la hacienda du Rio Verde. Moi, je suis Jean de Clodion. Je m'en vais à la Veracruz, et je m'embarquerai pour la France, où m'attend ma fiancée, ma cousine Fernande de Croix-Marie. » L'illustre savant pensa un moment, de la stupeur que lui causaient ses paroles, que le breuvage composé par son frère le Comanche n'avait pas produit d'effet, et que José était fou comme auparavant, sinon davantage. « Qu'avez-vous à me regarder ainsi, cher docteur ? Poursuivit le jeune duc. « Vous êtes Jean de Clodion ?» répliqua Cavarox d'un ton d'incrédulité. « Sans doute. En quoi cela peut-il vous surprendre ? Mais comment vous trouvez-vous ici, après avoir quitté la hacienda le lendemain des funérailles de mon père ? Que vous est-il arrivé ?» Les pressentiments qu'avait Pedro Diaz revinrent tout à coup en mémoire au docteur. En un instant, il devina tout, et le mobile de crime lui apparut dans toute sa lumière. « Dites-moi plutôt, monsieur le duc, ce qui vous est arrivé. » répondit-il. « Je ne comprends pas. Expliquez-vous. » repartit vivement Jean de Clodion. Lorsque le jeune duc eut appris comment et pourquoi il avait été enlevé pendant la nuit de son campement au canyon d'Oripas, les soupçons et les recherches de Pedro Diaz, qui avait vaguement entrevu l'enlèvement, il demeura longtemps anéanti par cette révélation. « Si Don José s'est borné à me prendre mon nom et ma fortune, peut-être pourrais-je lui pardonner un jour, » dit-il enfin. « Mais s'il a osé me voler, un bien 1000 fois plus précieux et plus cher que cela, Fernande de Croix-Marie, que je devais nommer ma femme. Ah, malheur, malheur à lui !»